Le Chat Noir Productions vous présente de Laurent Garnier et David Brin-Lambert aux éditions Flammarion. Électro-choc. Bienvenue dans la cinquième émission Électrochoc. On avait quitté Laurent Garnier à la fin des années 80. Après son service militaire, il décide de rentrer en Angleterre. Nous le suivons dans ses nouvelles pérégrinations à travers ce troisième chapitre d'Électrochoc intitulé Live the Dream. Le Chat Noir Productions. Depuis Paris, prendre l'autoroute jusqu'à Calais, attraper un ferry pour traverser la Manche et une fois à Douvres, continuer tout droit jusqu'au comté de Cheshire. Fringues, platines et disques entassés dans le coffre de Manissan, chaos au gré de l'état des routes. Sortir de l'autoroute, à Altrincham, et passer devant le large panneau de bienvenue marquant l'entrée ou le retour dans Manchester. Je retrouvais ma maison et tout le merdier laissé par les locataires. Une douche, quelques heures de sommeil, et je repris le volant direction centre-ville pour vivre ma première soirée mancunienne depuis des mois. Après 2-3 verres dans un pub et quelques pas au hasard des rues, je flairai un réel changement. Les choses n'étaient plus ici telles que je les avais laissées. En moins d'une année, le mouvement Acid House avait rayonné dans tout le nord anglais. De fédérateur, il était devenu global. L'industrie musicale anglaise, réputée réactive, s'était structurée autour de cette nouvelle musique, la rendant largement disponible. La mode baggy, propre jusque-là à Manchester, s'était étendue à tout le nord. On avait vu réapparaître le Smiley, mascotte jaune à tête ronde, aux yeux rieurs et à l'immense sourire popularisé dans les années 70, qu'on arborait en badge ou t-shirt comme pour dire « j'en suis ». La presse musicale avait abondamment couvert le phénomène, rapidement suivi par la presse branchée, The Face ou ID, puis la presse généraliste, The Sun, qui s'était penchée sur les bouleversements engendrés par cette nouvelle musique. La vague acid house, pacifique et colorée, avait été identifiée comme un héritage de Woodstock et des frasques hippies. La lame de fond qui chamboulait le paysage social anglais avait désormais pignon sur rue, et nul ne pouvait l'ignorer. Bientôt, les mots seraient lâchés. Révolution, nouvelle génération, phénomène. Empruntant l'expression aux Happy Mondays, on racontait les débordements de bonheur et les folies de Manchester, ville d'excès, où la culture de la nuit retrouvait ses airs de capitale mondiale du clubbing. Dès mon retour, je réintégrais l'hacienda. L'équipe était toujours la même et je fus accueilli comme un membre de la famille. Paul Kantz me confia le samedi soir. La semaine, j'étais responsable de la restauration du Dry Bar, propriété de Tony Wilson sur Oldham Street. À quelques mètres, trônaient les boutiques de disc house de la ville, où j'allais engloutir ma paye. Je passais mes jours, nuits et week-ends là, entre Oldham Street et Whitworth Street West. Lorsqu'on y pénétrait, en début d'après-midi, l'hacienda avait cette odeur caractéristique des lieux qui dorment le jour. Ça sentait la bière séchée et le tabac froid. Les pas cognaient sur le dance floor vide. Mais dans ce temple, des lumières, soudain réduites au noir et blanc, résonnaient les échos des soirées passées. Je restais là à me demander, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir se passer ce soir ? Même si tout autour un vent de modernité soufflait force 4, les lois anglaises ne changeaient pas et ordonnaient toujours la fermeture des clubs à 2 heures. Le DJ ne disposait que de 4 ou 5 heures pour jouer sa musique. Et le public, conscient que les aiguilles tournaient, prenait tout, danse, drogue et plaisir, de façon boulimique. À 2 heures tapantes, l'hacienda se vidait de ses danseurs. Quelques milliers de scully, encore en sueur, se retrouvaient sur le trottoir face au club et s'échangeaient des plans pour continuer la fête. À Manchester, l'alternative à la frustration s'imposa naturellement. En 1988, pendant que je faisais mon service militaire et peaufinais mes armes de DJ à Paris, les débarquements simultanés de la house et de l'ecstasy avaient modifié le système des warehouse parties pour donner vie à une nouvelle forme de fête, les raves. Dans l'illégalité, certes, c'était même une donnée fondamentale du jeu, mais dans l'harmonie et avec une force de volonté qui allait bientôt rendre ce mouvement incontournable. L'essence de la rave, c'était la liberté, la volonté de danser sur de la musique jusqu'à plus soif. Certains avaient fait entrer leur matière grise en ébullition avec une équation simple à résoudre. Pourquoi ne pas voir plus grand ? Pourquoi ne pas aller installer un sound system en plein air au beau milieu d'un champ, par exemple, et jouer cette musique comme ça, à fond ? Que tout le monde en profite. Mais revenons en arrière en 1988, à Londres. Tony Colston-Halter, un jeune promoteur à la réputation de flambeur, découvrit le phénomène Acid House dans les soirées Shoom. Sentant le potentiel financier extraordinaire que l'Acid House représentait, il organisa les premières raves d'envergure d'Angleterre. Son coup d'essai, baptisé Apocalypse Now, eut lieu en août 88 au Wembley Studios. Tony invita la chaîne ITN News à filmer l'événement et par là même à le rendre public, se mettant la scène Acid House à dos et ulcérant les autorités. Fort de son premier succès, il organisa les soirées Sunrise, vit ses ambitions freinées par la police, décida malgré tout de continuer et initia autour des raves un véritable système de jeux de pistes. Le lieu de l'événement était gardé secret jusqu'à l'ouverture des portes et les ravers y accédaient via les indications disponibles par Infoline. En octobre 88, il déplaça ses raves dans un centre équestre de Buckinghamshire. Les ravers dansaient en plein air, entourés de manèges forains et découvraient un jeune DJ originaire du nord de l'Angleterre et expatrié à Brighton, un certain Carl Cox. Avec Tony Colston, Heiter et Sunrise, l'Angleterre basculait dans l'ère des raves de 10 000 personnes. With an idiot. Le Chat Noir Production. Lors du second Summer of Love en 1989, les rêves du nord de l'Angleterre n'étaient pas encore sensibles aux sirènes des gros sous et conservaient leurs airs de festival conviviaux d'un soir. Prévenus par des tracts réduits au strict minimum, date de la fête et lieu de rendez-vous sans aucune mention des DJ, distribués à la clôture des clubs, des milliers de personnes se rassemblaient dans un même lieu. Une armée de DJ se succédait aux platines, sans ordre préétabli, et faisait cracher un énorme sound system posé à même le sol. On jouait de tout, acid music, house, techno, hip house, un télescopage du hip-hop et de la house, et les titres pop du moment. Autour, une débauche de lumière à en attirer les ovnis. Lorsqu'ils ne dansaient pas, les ravers se jetaient sur les murailles en plastique d'énormes châteaux gonflables ou roucoulaient dans des manèges. À mesure que la formule prenait et qu'un réseau se formait, les raves s'improvisèrent de moins en moins. Les plus élaborés étaient dotés d'un service d'ordre, de bars et de stands. À Manchester, en 1989, les rendez-vous étaient généralement donnés sur l'autoroute, dans une station-service quelconque. De là, d'immenses cortèges de voitures se suivaient en pleine campagne pendant des heures, offrant le spectacle insolite d'embouteillage au milieu de nulle part à 4h du matin, bien tapé, dans le plus épais des brouillards anglais. Sortez de Manchester en direction de n'importe quel point cardinal où il vous suffira de rouler sur 15 km avant de vous retrouver en milieu de rien. Tout autour, champs et vallées, et là, une fête. Une putain de grosse fête. C'est peu dire que ma première rave anglaise fut une claque. Joy, la rave s'appelait Joy. Pour moi, après ce soir d'août 89, ma conception de la fête ne fut plus jamais la même. Pour s'y traîner, ce fut un vrai périple. Plus de 2 heures à zoner avec Danny entre embouteillages, fausses pistes et routes de campagne boueuses à chercher la fête, avec pour seule boussole le flyer imprimé de la soirée. Nous stoppons finalement la voiture au sommet d'une colline. Il fait nuit noire, une légère brume teintée de vert s'étend tout autour, laissant se découper les ombres immobiles de centaines de voitures garées n'importe comment. J'aperçois les silhouettes de jeunes Scully qui s'engagent dans un sentier plongeant dans l'obscurité. Nous les suivons, et tandis que nos pas nous mènent jusqu'au pied d'une vallée entourée de collines, on peut distinguer dans l'air ce vrombissement immédiatement identifiable d'un sound system bien réglé qui frappe et qui dit « BOUM !» J'ai l'œil brillant, un goût de terre sature ma gorge, mes poils se hérissent. Tout me paraît exagérément lumineux, sensuel, attractif. Je sens courir dans mon échine ce pétillement caractéristique d'un ecstasy qui monte et lentement prend possession de mes sens, de la pointe de mes orteils au sommet de mon crâne. Je me dis Puis je réalise que cet immense halo vert nappant la vallée à nos pieds n'est pas dû aux magic pills que Danny et moi avons avalés, mais que shit man, it's a real laser down there, mate. Pour Joy, les organisateurs ont loué le sound system utilisé pour U2 pour leur concert au Wembley Arena. Vers 6h, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent, arrosant les joues et les nuques des ravers, un des DJ joue Why de la chanteuse américaine folk Carly Simon. À cet instant, on perçoit de loin d'abord, puis de plus en plus proche, le grondement démesuré d'un réacteur. Puis fendant un nuage à quelques mètres de nos bras levés vers le ciel, de nos cris dirigés vers les anges, un avion nous salue, s'attarde quelques secondes, et disparaît. Carly Simon, c'est elle que nous fûmes des milliers à hurler à chaque passage de sa chanson douce. C'est elle qu'il était désormais devenu impossible dans le Nord de finir une soirée sans offrir Why comme ultime au revoir. Après Joy et l'explosion en 89 du second Summer of Love, les raves se sont enchaînés chaque semaine dans la fièvre. Nous avions le sentiment de participer à une dynamique originale, mais sans en saisir précisément les répercussions, sans avoir la distance nécessaire et les idées assez claires pour réaliser que ce basculement embrasait toute l'Angleterre et que cette histoire s'était déjà produite. La même histoire de fièvre, mais dans un autre temps et sous une autre forme, à une petite génération d'écart. Un petit cycle 30 par lequel l'histoire se répète, car la fièvre des raves et de l'acid house est l'héritière d'une autre, Northern Soul, celle-là. Une ligne qui connecte la génération 50s, 60s à celle des 80s, 90s. Un retour de flamme, un écho dans le temps. Mais avant d'en évoquer la trajectoire, la tâche pour nous d'en redéfinir le cadre. Manchester fut la première expérience industrielle anglaise. Au milieu du 19e siècle, elle fut même l'une des villes les plus prospères du monde. Des manufactures se dressaient à la périphérie de la ville, et entre 1820 et 1830, on raconte que plus de 800 hangars furent construits pour stocker et traiter le coton. C'était l'âge d'or. Et la croissance extraordinaire du Nord, économiquement parvenue à l'autosuffisance, le détacha pour un temps de l'autorité londonienne. Une autre Angleterre se développa au Nord, portée par les promesses de cette nouvelle donne économique. Ainsi, Liverpool, port de cette prodigieuse expansion, où ont débarqué coton en provenance de l'Amérique et esclaves arrachés à l'Afrique. Ou Sheffield, propulsée ville leader dans l'industrie du fer. Birmingham, dédiant ses murs à l'ingénierie, et Manchester, grâce à qui le comté de Cheshire concentrait 90% de la fabrication mondiale de coton. À mesure que l'industrie se développa, un exode massif d'ouvriers affluents d'Irlande et de provinces anglaises sinistrées vint grossir les rangs de la ville. Pour les abriter, des milliers de baraquements sortirent de terre. Manchester vit son ciel se charger d'une épaisse couche de crasse, ses murs de suie, ses enfants pointés dans la même usine que le père, l'oncle ou l'aîné. Il fallut bien distraire toutes ces âmes. Alors Manchester s'inventa une vie nocturne agitée, pimentée par l'alcool et le folklore local. Mais bientôt, les virées du week-end ne suffirent plus. Et avec l'arrivée du nouveau siècle, on importa le cinéma. Une centaine de salles ouvrirent dans tout le comté. Et puis la musique, bien sûr. Les premiers groupes jazz noirs américains foulèrent le sol de Rainy City dans les années 20, échappant à leurs conditions le temps d'une escapade européenne. Un Eldorado jazz sans racisme ni brimade. La demande grossit, et pour accueillir la nouvelle musique américaine, les salles de fête se multiplièrent, développant une culture de la musique de danse qui bientôt se transformerait en passion. La nuit devint un nouveau savoir-faire. En 1930, l'industrie du Nord commença à s'essouffler. Manchester fut ébranlé par la récession. Le paysage de la ville changea, les usines se vidèrent et les hangars désertés devinrent autant de fantômes silencieux et réprobateurs. Tandis qu'en 1948, Rainy City enfantait une vision du futur avec Manchester Mark I, le premier ordinateur électronique à programme enregistré, dans le quartier de Moss Side, apparaissait une ère pour noctambules peuplées de clubs. Au milieu des années 50, des disques de rhythm and blues noirs américains affluèrent, importés directement des États-Unis, afin de contenter la demande croissante des working class kids qui raffolaient de la soul music et n'hésitaient plus à consumer leur paye hebdomadaire en un seul week-end. Someone new, I can't get over you. There's a easy chair. I feel your fingers running through my hair. Looking down at my coffee cup, I think I see your face looking up. All alone in my gloom, your voice echoes through the room. There's a ghost in my ...1960, la jeunesse de Manchester vivait sa dernière décennie de sécurité économique. Rainy City possédait alors l'une des activités nocturnes les plus florissantes d'Angleterre. Des coffee shops se réclamant du mouvement beatnik devinrent les plaques tournantes de la vie sociale et intellectuelle. Dans un même mouvement des clubs, le Twisted Wheel, le Plaza, l'Oasis vinrent illuminer les nuits de Manchester. La musique évoluait et les kids se détournèrent du jazz américain, exigeant quelque chose de plus brut, de plus rythmé, de plus endiablé encore. Tandis que les clubs passaient les disques des groupes à la mode, The Shadows, Cliff Richards, les Beatles, quelques DJ se détachèrent et cherchèrent autre chose. À travers eux, les palpitations de la musique noire américaine devinrent la véritable respiration du Nord anglais. Ici, on ignorait dignement Elvis, Nashville et le rêve américain blanc. Ici, les Stones et les Beatles, injectés en flux continu dans les postes de radio, étaient balayés par l'attente du week-end, de ces danses hystériques et de ses excès. Alors que le rock était en passe de devenir la peau du monde, ici on adulait des enregistrements soul introuvables et vieux de plusieurs années. Ici, dans les salles surchauffées des banlieues prolo blanches, on s'éclatait sur les 45 tours d'artistes black des 60s, oubliés par la gloire, une vague rétro dans les 70s. À cette pulsation, on a donné un nom, Northern Soul. I dig rock and roll music. I can do the twine and the jerk. I wear strictly continental suits and high-collar shirts. I've got a reputation of being gentle but bold, and that's why they call me Le Chat Noir Production. Northern Soul, ça voulait dire à peu près ceci. Music Soul du nord de l'Amérique noire, dévoré avec férocité par la jeunesse du nord anglais. L'écho de ces histoires nous parvient encore si nous tendons l'oreille. Les nuits de feu du Twisted Wheel de Manchester, du Mecca de Blackpool, du Casino de Wigan, du Torch, du Catacombs, autant de clubs qui firent la légende de la Northern Soul. C'est elle qui a poussé l'exigence à un niveau inouï. C'est avec elle que les DJ s'affranchirent des clubs et définirent leur art. Un disque funky et efficace ne suffisait pas à ces amateurs. Il fallait que ce soit rêche, sensuel, entêtant, que ça prenne immédiatement les jambes. Et plus encore, car la fièvre ne suffirait bientôt plus, il fallait que la musique soit rare. La rareté devenait l'ultime critère et amenait avec elle une série de nouveaux comportements. Dans un premier temps, le public suivit les DJ pour leur aptitude à donner la fièvre, mais les motivations se déplacèrent vers le caractère rare de la musique diffusée. Une véritable chasse à l'exclusif qui poussa les DJ de Northern Soul à jouer des white labels, des disques anonymes. On raconta que le DJ londonien d'origine jamaïcaine, Count Suckle, apporta le principe de covers up, arrachant les macarons de ses disques et proposant des nouveautés sans que le public et les autres DJ puissent les identifier. Le DJ Farmer, Carl Dean, appliqua ce principe à la Northern Soul. On vit les DJ rivaliser d'imagination pour préserver leurs précieux disques des regards indiscrets. Ainsi, les premiers pirates apparurent et avec eux, tout un panel d'astuces pouvant aller jusqu'à la falsification des références d'un disque. À travers la Northern Soul, les DJ initièrent l'obsession pour la danse, les secrets et les excès contenus dans les murs des clubs, le son joué fort et le culte des disques qu'on partage entre affranchis à l'écart des courants majoritaires. La Northern Soul enfanta l'esprit rave avec ses virées infernales de mômes qui n'hésitaient pas à avaler des kilomètres pour faire la fête dans une Angleterre archaïque, encore privée d'autoroute. Pas une participation pour rire, non, plutôt pour jouer le jeu à fond, jusqu'au bout. Une génération après l'explosion Northern Soul, Manchester allait vivre sa deuxième révolution, la house music. Le Nord avait conservé intacte la fièvre contractée par la Northern Soul. Je ne jouais à l'Hacienda qu'une seule fois par semaine, le samedi soir, le reste de mon temps étant consacré à la fête et à mon travail au dry bar. Paul Counts voulait étendre l'expérience de l'Hacienda à d'autres territoires. Il me confia alors les rênes d'une nouvelle soirée qu'il montait à Blackpool, cité balnéaire située à 60 km au nord de Manchester. Blackpool, où les jeunes étaient écrasés par le chômage, l'abondance de drogues dures et la déprime. Un can anglais désolé, où à chaque coin de rue se dressait une fête foraine désertée. Un bled dans lequel, depuis les heures brûlantes de la Northern Soul, ou une émeute lors d'un concert des Rolling Stones dans les années 60, il ne s'était absolument rien passé. Mais durant cet été 1989, vivre une nuit à Blackpool, c'était comme pénétrer dans un monde à part, radical et incroyablement excitant. Le public qui se pressait dès 22h aux portes de la soirée Frenzy n'hésitez pas à faire jusqu'à 200 km pour en être. Une fois à l'intérieur de cet ancien cinéma, se livrer à une véritable course contre la montre pour jouir des plaisirs qu'offraient la house, la danse, la drogue. Les proportions d'extasie englouties dans ces soirées étaient effrayantes, certains employant la méthode forte pour apprécier pleinement la liberté limitée qui leur était offerte et choisissant de mordre l'instant à mâchoire déployée. J'étais associé à Steve Williams, DJ des soirées Thunderdome organisées par les Spin Masters du groupe 808 State, alternative underground à la toute puissante Hacienda. De 22h30 à 1h50, nous faisions monter la tension musicale et le tempo, rush auquel nul ne pouvait échapper. Et 10 minutes avant la fin de la soirée, nous jouions des titres cultes qui rendaient le public hystérique. Parfois, la folie atteignait de tels sommets qu'on aurait pu jouer n'importe quoi. Des types se suspendaient au projecteur en criant, d'autres soufflaient dans leurs cornes de brume jusqu'à s'écrouler, foudroyés par une crise d'hyperventilation. Des danseurs épuisés s'accrochaient à leur dernier souffle, les bras tendus vers le ciel pour la dernière ligne droite. Et tout autour, le plafond et les murs dégoulinaient de condensation. Puis 2 heures sonnaient, on arrêtait la musique, et là les danseurs en larmes étiraient des standing ovations sur plus d'un quart d'heure pour qu'un dernier disque soit joué. Je pensais avoir vu la folie incarnée à Blackpool quand un soir, un certain Mike Knowler vint me parler de son club à Liverpool. Let it En 89, le quotidien de Liverpool, ville ouvrière durement frappée par le chômage, est très loin du charme romantique de la carte postale Beatles. Pour la jeunesse, il n'y a rien d'autre à espérer que les virées qui accompagnent la nuit et une réputation de fêtard jusqu'au boutiste à préserver. Liverpool abritait le Quadrant Park, un club pouvant contenir 2500 personnes se noyant dans l'excès chaque week-end et dont l'aura rayonnait dans tout le nord. C'était un club réputé dangereux, mais cette tension omniprésente faisait partie de l'âme du lieu. À l'issue de mon premier soir au Quadrant Park, j'ai vu les videurs jeter un type du premier étage. Le malheureux est allé s'écraser sur les planches de la piste de danse 4 mètres plus bas. J'ai plus tard appris que pour une embrouille à la petite semaine, le voltigeur avait voulu ouvrir le ventre d'un videur avec un tesson de bouteille. Alors, les agents de la sécurité n'ont pas cherché. Ils l'ont maîtrisé, passé par-dessus bord et une fois à terre, ils l'ont rossé. Le problème, c'est que si on ne le corrige pas, demain, il revient pour nous flinguer, m'a baragouiné un videur pour sa l'explication. Mais malgré le climat brutal inhérent à Liverpool, être DJ au Quadrant Park se révélait une expérience unique. Je me souviens avoir joué un titre du groupe Elevation pour la première fois là-bas et avoir vu les danseurs frôler l'implosion. Même les cornes de brume ne couvraient pas leurs cris. Même le stade Wembley rempli jusqu'à la gueule ne faisait pas autant de bruit que ces 2000 personnes. Dans l'air, on sentait une communion, quelque chose de vertigineux. Le public rendu dingue par la musique sautait jusqu'au plafond. De la cabine DJ, on pouvait voir des types se jeter dans le magma de danseurs depuis le premier étage du club, des filles en soutien-gorge perdre tout sens des convenances, des torses nus se frotter et toujours les hurlements qui couvraient la musique. En 89, chaque DJ avait l'obligation de se distinguer. Grâce aux expériences conjuguées de Paris, Manchester, Blackpool et Liverpool, j'essayais d'affirmer progressivement mon style. Alors que les DJ anglais jouaient essentiellement des titres techno anglais et du piano house, je jouais un mélange de new beat, techno, ainsi que beaucoup de morceaux ghetto house de Chicago, cette house minimale et funky aux paroles évocatrices. En France, mon public avait été à l'arche dominante gay et les lyrics autour du thème « fuck me till I start to scream » les rendaient hystériques. Mais en Angleterre, c'était très différent. Au début, le public s'arrêtait carrément de danser. Puis, malgré leur fibre puritaine, les Anglais se mirent à rire d'entendre des titres scandés « Slap your ass and move, bitch !» La provocation suprême au Quadrant Park, c'était de jouer 666 d'Aphrodite's Child, le groupe de Vangelis et Demis Roussos. Un morceau sur lequel l'actrice grecque Irène Papas semblait faire l'amour avec le démon. Enfant, je me souviens avoir été effrayé par ce disque, 666, le chiffre du diable. De quoi impressionner un môme. Au Quadrant Park, 666 trouvait un écho particulier. Pour tous ces choix, j'étais considéré comme un European DJ en Angleterre. Depuis ce club extrême, mon nom commença à tourner, amenant d'autres engagements, en club et en rave. Le Chat Noir Production. Stop, check it out, my man. This is the music of a hip-hop band. Jazz, well, you can call it that. But this jazz retains a new format. Point, well, you misjudged us. Speculated, created a fuss. You've made the same mistake politicians have. Talking all that jazz. Talk, well, I heard talk is cheap. But like beauty, talk is just skin deep. And when you lie and you talk a lot, people tell you to step off a lot. You see, you misunderstood. A sample just a tactic, a portion of my method, a tool. In fact, it's only of importance when I make it a priority. And what we samples are by the majority. But you a minority in terms of thought. Narrow-minded and poorly taught about hip-hop fame or the silly game to erase my music so no one use it. You step on us and we'll step on you. Can't have your cake and eat it too. Talking all that jazz. When you hide the truth, it's when you talk more jazz than proof. And when you lie and address something you don't know, it's so whack that it's bound to show. When you lie about me and the band, we get angry. Whip out our pen, start writing again. And the things we write are always true. Sucker, let's get a grip, now we talk about you. Seems to me that you have a problem, so we can see what we can do to solve them. Think rap is a fad, you must be mad. Cause we're so bad, we get respect you never had. Tell the truth, James Brown was old. Tell Eric and Rock came out what I got. Rap brings back old R&B, and if we would not, people could have forgotten. We want to make this perfectly clear. We're talented and strong and have no fear of those who choose to judge but lack pizzazz. Talking all that jazz. Now we're not trying to be a boss to you. We just want to get across to you that if you're talking jazz, the situation is a no-win. You might even get hurt, my friend. Stetsasonic, the hip-hop band. And like Sly and the Family Stone, we will stand up for the music we live and play. And for the song we sing today. For now, let us set the record straight. And later on, we'll have a forum and a formal debate. But it's important you remember, though. What you reap is what you sow. Talking all that jazz. Talking all that jazz. Talking all that jazz. Été 89, le second Summer of Love battait son plein, les rêves se succédaient. En septembre, un organisateur me proposa de jouer dans une rave se déroulant à la sortie d'une autoroute à 40 bornes de Manchester. Après mon set du samedi à l'Hacienda, suivant les indications du flyer, j'arrive enfin sur les lieux accompagné de Steve Williams. Nous garons la voiture sur le parking d'une aire de repos sur laquelle avait été planté un chapiteau de cirque. Le son rugissait si fort qu'à lui seul, il aurait pu déclencher la pluie. Nous nous faufilons dans la queue, saluons organisateurs, videurs et vagues connaissances, puis entrons sous le chapiteau. Là, parmi les centaines de corps de danseurs gesticulants, posés à même le sol, un gigantesque « E » découpé dans une vaste plaque de polystyrène, nous contemple de toute sa rectitude. La soirée est engagée depuis plusieurs heures. Steve joue, puis me confie le sort des danseurs. Les platines sont posées sur une table de camping, plantées à même le sol, face aux 800 rêveurs déchaînés. Les heures passent comme des secondes et je suis torse nu en train de hurler comme un voyou derrière mes platines, quand soudain, les flics débarquent. Ils foncent sur moi, vaguement hargneux, peu rassurés, éructant des « The party's over » au mégaphone, une lampe torche braquée sur mes pupilles comme pour indiquer le coupable de tout ce merdier. Ils me demandent d'arrêter la musique d'un ton qui ne supporte aucun refus. Un gradé me prend à part et m'interroge « Qui est l'organisateur ?» I said « Who the fuck is the party organizer ?» J'explique que je joue gratuitement pour un organisateur que je ne connais même pas lorsqu'il se met à beugler. « Embarquement immédiat !» Mon premier cassage de soirée, en grand, avec chien, talkie-walkie, gyrophare et tout le tralala. Soulagé de ma montre, ma ceinture et mes lacets, je me retrouve en garde à vue, complètement cabaged, en pleine montée d'extase. Steve Williams s'est enfermé dans la cellule voisine. Le visage compressé contre les barreaux, il me lâche entre deux éclats de rire. Oh mec, je suis à la ramasse mec, en pleine montée mec. Plusieurs heures passent comme ça, puis les Bobbies nous emmènent à tour de rôle dans une pièce capitonnée arborant son imparable miroir sans teint. Interrogatoire. Je suis complètement parti, rigolant comme une baleine devant leur tête, quand le commissaire divisionnaire en chef entre dans la pièce, me lance un regard froid, se plante devant moi et demande le plus sérieusement du monde. C'était quoi ce « E » au milieu de la salle ? Je me mords la lèvre mais n'ose pas aliéner mes chances de sortir d'ici vivant et finis par baragouiner. C'était pour l'anniversaire d'Eric. Le gradé prend son air le plus calme, le plus patient, le plus compréhensif aussi et articule avec le petit sourire de celui qui ne va pas se maîtriser très longtemps. Le quoi ? Ben ouais, hier, c'était l'anniversaire d'Eric. À cause de l'armée, j'avais raté le train du premier Summer of Love. J'avais intensément vécu cet été 89, mais je réalisais qu'en Angleterre, je ne serais jamais qu'un animal exotique. Je fis le choix de rentrer en France où il fallait se battre 10 fois plus, mais où au moins j'avais une chance d'arriver à quelque chose. Par cette voie, je pensais trouver une autre légitimité auprès des Anglais que celle offerte par l'étiquette de Froggy DJ exilé. Cependant, entre cette décision et la réalité des faits, il y avait un monde. Avant toute chose, il me fallait arrêter la restauration pour me consacrer uniquement au DJing. Je passai quelques coups de fil au palace et à la loco. La réponse fut chaleureuse. « Tu peux revenir avec ta musique de merde !» Il me restait quelques jours à vivre à Manchester, à peine de quoi empaqueter mes affaires, faire mes au revoir et vivre à fond cette dernière ligne droite. Thierry, mon frère, fit le chemin depuis Paris dans sa fourgonnette antédiluvienne pour m'aider à déménager mon barda. C'est un samedi soir, je joue pour la dernière fois à l'Hacienda. À 2h du mat, nous nous entassons à 15 dans la poubelle de Thierry, direction Live the Dream, annoncé comme le sommet du Second Summer of Love. Après plusieurs kilomètres, la fourgonnette n'est plus qu'un nuage de sueur et de fumée de spliff. Commence alors le parcours du combattant du Raver en goguette. Au bas mot, 2 heures de détour, fausse piste, voie sans issue, jusqu'au Final Frontier. Un chant, les silhouettes de milliers de danseurs, quelques tentes et les rugissements de plusieurs sound systems. Une bande déjà sauvagement attaquée s'extrait de la fourgonnette et se disperse dans la campagne peuplée de moutons. Steve Williams et moi partons mixer sous un des chapiteaux dressés pour l'occasion, tandis que cette nuit-là, livré aux mains des Scully, Thierry fait l'expérience des mélanges psychotropes à la mode. Secoué par une montée combinée de I et d'acide, mon frangin se prend l'une des plus grandes raclées de sa vie, expérimentant les aventures mouvementées d'Alice au pays de l'Acid House. Au premier rayon de soleil, une pluie torrentielle s'abat sur le site. Des scolis trempés et couverts de boue courent comme des dératés les bras en l'air à la poursuite des montgolfières bariolées qui s'élèvent dans la brume du petit matin. Mon frère semble avoir été mangé par le chapelier fou. Il est quelque part entre les montgolfières et les verts pâturages, ses deux derniers neurones désintégrés par une combinaison de pluie, herbe grasse et lumière pâle. Depuis l'un des énormes sound systems s'élève la voix de Carly Simon qui demande « Why ?» Puis le vent se charge de disperser la mélancolie de la dame aux quatre coins des champs et jusque dans l'hémisphère droit de mon cerveau, imprimant cette ultime question. Why? Oh why? Tell me please, Carly. Why do I really want to go to Paris? Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc.